nouveau podcast hors série consacré à la convention de Buffy de mars 2025. Pour cette deuxième édition de Whispers from the Hellmouth, Miguel Fils nous a concocté encore une fois un super week-end. On a rencontré des comédiens et comédiennes de l'univers de Buffy et Angel. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous, je vous propose de revivre quelques questions-réponses des panels auxquelles nous avons pu assister. Et j'en profite pour remercier Lise qui a assuré la traduction lors de ce week-end et qui a grave assuré vous aller l'entendre. Bonne écoute! Hello everyone, welcome in Paris. Welcome especially to for Jen for his first convention in France. I'm so happy to meet you for the first time. And I would like to know for all of you if you've got some anecdotes on about your audition on Buffy or Angel that you would like to tell us. Est-ce qu'ils ont des petites anecdotes à nous raconter sur leur audition lorsqu'ils ont passé le casting? I actually auditioned with David. And that was really interesting, you know, because I thought, wow, that guy's really handsome. Christine Sutherland, l'interprète de la meilleure maman du monde, Joyce Summers, qui raconte qu'elle a auditionné en compagnie de David Boreanaz, qui jouait Angel. I was going up the stairs, coming late for work, and I didn't know he was there, and Buffy went, hi, Mom. And then out of the shadows came David. And just sort of my instinct as a mother was, he's a little older. And I thought, oh my God, someday this is going to happen to me with my daughter. So that's my story. And then I bumped into him on the set, so that was great, on his first day. Alors pour elle, son anecdote de casting, c'est qu'elle a auditionné avec David, où elle dit, qu'elle s'est dit, oh là là, il est magnifique cet homme. Et elle parle de la scène où Joyce revient un peu tard du boulot, elle monte et il y a Buffy qui est dans sa chambre avec Angel qui est un peu caché dans l'ombre. Et quand il sort, elle dit « Oh, mais un premier réflexe de maman, il est un peu vieux, hein, pourtant. » Et elle dit « Je me suis aussi dit « Oh, mais un jour ça va m'arriver avec mes propres filles. » Et donc du coup, c'était assez amusant. Et après, elle l'a revue sur le tournage et c'était très, très sympa aussi. I look forward to meeting you too. Là, on entend J. August Richards qui jouait Gunn dans la série Angel. About my audition was that I remember the casting director for the WB at the time felt that I was too clean cut for the role. She felt like I was a little too, you know, clean cut. So I dyed my hair red for the audition. I had hair at the time, and I dyed it like her color right there. It was pretty fly. Dennis Rodman was a thing back then, so I was like, okay, you want a clean cut? I'll show you clean cut. So it worked out. I used this spray. It was like a spray, and it was kind of unevenly applied because I did it myself. And so I ended up having a really magical audition, and I kind of knew that I got the part because at the end of my audition, Joss just looked at me and said, now, is that a spray? I was like, yeah, it's a spray. I can take it out. He was like, yeah, I think we'll have you take it out. Alors, donc déjà merci pour l'accueil à Paris. Et il dit que lui, ce qui était assez amusant, c'est que bon, ils avaient dit que pour son audition, il était un petit peu trop propre, quoi, un peu normal. Et donc il s'est dit, ok, bah, je vais vous montrer du normal. Et donc il s'est teint les cheveux en rouge, un peu rouge-orange. Et il dit, je sais que. Donc là, je sortais carrément de l'ordinaire. Je sais que j'ai eu le rôle quand à la fin, Joss m'a dit, mais c'est un spray que t'as mis sur tes cheveux. Et en plus, il l'avait mal mis. Et il dit, oui, c'est un spray, mais je peux l'enlever. Oui, mais on te le fera enlever avant. Donc là, il savait qu'il avait le rôle à ce moment-là. Je voulais savoir ce qu'ils attendaient le plus de ce week-end avec nous. Ah, c'est bien. So, what do you expect from this weekend? Do you have any expectations or? Il y a des sourires, oui, ça danse aussi un petit peu. Ils attendent beaucoup de choses de ce week-end apparemment. This is my very first time in Paris. La première fois à Paris, Billy Woodside. I know you know this, but your language is beautiful. My God. Il aime le français. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'était, est-ce que vous pensez avoir des points communs avec vos personnages, et si oui, lesquels? A certain degree of sadism. a good deal of joy in seeing other people suffer. Marc Metcalf, l'interprète du maître, qui nous raconte ça. Would be associated with the master's sense of evil. I identify with. Sometimes to my joy, and sometimes to my sorrow. Alors, ce qu'il a en commun, c'est le sadisme. Toutes les personnes qui souffrent, sauf lui. Et toute forme de menaces et de choses horribles, voilà. Des fois, ça lui cause de la joie. Des fois, I apologize, I have a little bit of a cough. We got into this so fast, and I wanted to be able to say thank you all for being here and for coming. This is, I think, my third time coming back. I see so many familiar faces, and it's my favorite con with my favorite people in my favorite town with my least favorite Frenchman in Toronto. It's all good. So thank you all. And to answer that question specifically, Riley was such a nice guy, and I'm an asshole. That there's nothing really in common at all with that one. C'est sa troisième fois ici avec ses personnes préférées. Il voit beaucoup de gens, des visages connus aussi. Ça lui fait plaisir. Donc dire merci aussi à les garçons qui organisent. Et donc il dit en fait ce que j'ai en commun avec mon personnage, ben Riley est tellement gentil. Et moi, je suis tellement un enfoiré que. Il y a quelque chose en commun. Donc, elle dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hi everyone, I'm really glad to meet you. Alors là, une personne demande aux comédiens et comédiennes un souvenir d'une scène préférée. Et c'est Ellie Hacker qui jouait Fred dans Angel qui nous partage un drôle de souvenir. One memory, and it was probably my favorite scene, but we also got, or I at least got in so much trouble during the episode where Angel turns into a Muppet. And Andy Hallett had this one line that he was like, something about a gold mine. And every time he said it, I like had tears streaming down my face, and you were laughing, everybody was laughing. But it was like 3 hours in, and they were like, I was like, you have to change the line. I don't know, we can't say that. We couldn't stop laughing. And like people from the head offices over in Santa Monica drove over to like look at us meanly to think that would make us stop laughing. It was just a fun filming moment as well. What was it like, gold mine? Yeah. A puppet gold mine. Pour elle, elle se souvient de cette scène dans Angel, quand Angel devient un pantin, une marionnette. Et elle dit que quand ils ont tourné, ils ont tellement ri, parce qu'en fait, à un moment, David devait dire une phrase, et en français, je ne sais pas comment ça a été traduit, mais avec cette voix un peu comme ça, à parler. Et donc, du coup, elle dit, on a tellement ri, mais j'en pleurais. Et en fait, ils ont fait venir même des mecs un peu haut placés, en mode, on vous met la pression, il va falloir tourner, parce que c'était 3 heures. Elle dit, mais oh non, ça ne nous arrêtait pas, on ne faisait que rire, il fallait changer la phrase, qui au final n'a pas été changée. Merci. Ma question en français, si vous voulez. Est-ce que dans Buffy et Angel, ils ont eu des moments d'improvisation et Joss aurait été en mode ah ouais, ça c'est bien, ça on garde, ou est-ce qu'au contraire, genre ah ouais, non, tiens, pas en script, et du coup, s'ils ont des anecdotes à propos de ça. Okay, so. She wants to know if we improvised doing Buffy and Angel, or do we have to stick to the script? Joss, donc l'interprète de Gunn, s'est beaucoup intéressé à la langue française pendant ce week-end et, comme vous l'entendez, il a essayé de comprendre les questions sans la traduction et il y arrive là, donc tout le monde est très très content pour lui. They were very specific about, you know, the language, the jokes, and the story. So no, on some jobs you really do get to improvise, but on our show, no, not at all. Same on Buffy. No improvisation. Okay. Alors non, ils n'ont pas du tout improvisé. Ils ont vraiment voulu rester fidèles au script et pareil dans Buffy. Donc Angel et Buffy, pas d'improvisation. Dans certains projets, on peut, mais là, c'était pas le cas. Buffy was word perfect. Like, there was nothing. I had a line that said, oh yes, I am a lesbian. And I said, oh yes, I'm a lesbian. And I got corrected. You cannot say I'm, say I am. And it was word perfect. And so for me it was great training, but it was like you said, the only thing you could bring to it was some physicality. Everything else had to be exactly as written. Yeah. C'est super intéressant, on apprend plein de choses à cette convention, dis donc. Tu peux amener que la partie physique de toi en improvisation, mais il dit, mais Buffy, c'était vraiment au mot près, au lieu de dire « je suis une lesbienne », il avait dit « je suis une lesbienne », et tu dis « je suis ». C'est vraiment important, donc c'était très très strict sur ce niveau-là. Merci. Du bon Woodside, donc interprète du principal Wood, apporte son point de vue d'acteur scénariste sur ce sujet de la liberté par rapport au texte. Everyone's been so nice answering this question, and I feel like I have to alter, or like at least present the other side, which is I fucking hate being word perfect. I can't stand it. I have my reasons why. I'm also a writer. Yeah. I'm other people changing your words. I'm fine with it. Yeah, because I think there's a difference between theater, screenplays, and television. As an actor, you always have time to find a way around a playwright's words. Right. You have rehearsal, you're there every day, all day. So if it's not coming out right, you have time to figure out how to drop that in. What do I have to do to get to this place? Same thing with doing a movie. Television, the reason why it's tricky is because you can have something memorized, show up that day, and the writers have changed it. That's right. And you're not a robot. I've worked on shows where there have been writers who are, you know, there's a the there, they drive me crazy. And I've worked on shows where there have been amazing writers and showrunners that feel this way and that they're okay with you coming in and not rewriting them, but if there's something that's difficult for you to say, They want you to have a sense of ease with it. What I found, and the showrunners and writers that I love are, they simply say, don't do it on the day. Like, when the script gets sent out, I've done my work, you do your work, sit down, read it, and call me that day. Don't drop that on the day that we're filming. And I think that's respectful. I think that's, you know, but so when they send the script, sit down, read it. If there's something that's challenging, call them up and see what they can do about it. But this word perfect for television, when things are always changing so fast, I find has more to do with ego than art. I'm a writer, I write for television, and when I'm sitting there, I know it's just me, and of course I think my words are perfect, you know? But then you give it to another artist, and that artist interprets what is in front of them. And if there are better words, if there's a better way to get into it, I'm all for it. So they're just trying to make it il va donner un autre côté parce que tout le monde a été gentil en parlant de ça. Lui dit moi ça me gonfle un peu en fait. J'écris aussi pour la télé notamment. Et en fait alors au théâtre oui c'est pas grave si tu changes pas les mots. Enfin si le texte ne te convient pas, t'as le temps de pratiquer, de t'entraîner et de te les approprier. Pareil pour les films, t'as du temps parce que t'as le script, t'es comme ça. Dans les séries télé, en fait, des fois, tu vas apprendre le texte et t'arrives le jour J et ils ont changé tes répliques. Et du coup, déjà, c'est relou. Et en plus, tu dois t'approprier un nouveau texte, et si t'es pas d'accord ou si ça te va pas, bah souvent ils vont te dire tant pis, tu te débrouilles. Et du coup, ben, c'est dommage. Il y a certains projets où ben, tu ne pouvais rien faire, et là ils trouvent que c'est vraiment très désagréable, et d'autres où c'était plutôt très respectueux parce que les scénaristes disaient bon ben voilà, j'ai écrit le scénario, je te le donne, tu le lis, tu me dis ce que tu en penses, et le jour même tu me dis quoi changer, comme ça on collabore. Et il dit là c'est intéressant parce que l'autre côté c'est un peu plus une bataille d'ego plutôt que pour une volonté artistique. Donc en fait ça vaut pas le coup, et lui il n'a pas de problème à ce que les acteurs changent ce qu'il a écrit, même si quand il écrit, il est très fier de ce qu'il fait. En fait, il sait que ça peut se faire réapproprier par l'acteur, et c'est ça qui est intéressant de co-construire ensemble. Et voilà, merci. Eh bien, voilà. On va pouvoir libérer nos invités. Thank you so much for being with us this weekend. C'est donc Marc Metcalf, le maître. Conclut le week-end par des paroles pleines de sagesse. When I was very young, a very wise old man said to me that gratitude was the greatest human emotion. And this whole weekend has been filled with a lot of emotion, but particularly at this moment, a great deal of gratitude to all of you for being here and for expressing the affection and, if I might say it, love for this story and these people who have created this story. So, thank you. Ce genre de week-end, la gratitude de vous rencontrer, de partager ces moments avec vous. Donc, merci du fond du cœur. C'était juste un petit aperçu hein, des moments super intéressants et rigolos qu'on a vécu pendant cette convention. Allez, tous à la voie ! Ici, c'est un grand investissement. Nous, on pense à chaque fois. Marc ! Marc ! Sachez que la prochaine convention est déjà prévue. Hein. Les dates ont été rendues publiques. Ça sera les 21 et 22 février 2026. Sont déjà annoncés comme invité Eric Balfour, qui joue Jesse dans les deux premiers épisodes de Buffy. Il y aura aussi Stéphanie Romanoff, qui jouait Lila dans Angel, et les incroyables Amber Benson et Charisma Carpenter, qu'on connaît évidemment pour leur rôle de Tara et Cordelia. Donc nous on y sera et on espère vous y voir nombreux. En attendant, on vous fait un maximum de gros bisous. À très vite.